de cette histoire. Parti de rien du tout, tu es presque au bout. À force de sacrifices, fier oreille de ton fils, bien sûr et à la galère, les journées pas claires, 5 ou 6 gigs par soir. Je sais, c'est ton vouloir. Trop souvent, le cachet était payé au noir. La rançon de la gloire se paie assis au bar. L'homme était juste et bon, tombé de la sagesse. Auprès de toi, du coma au prépa, tu n'aurais jamais.